Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté le port de Hongnam. En faisant le tour de divers endroits, il a encouragé le personnel et les citadins de Hamon. À la réunion consultative tenue sur place, on a discuté des problèmes pour accroître à l'aide des cargos la quantité de transport des matériaux au relèvement des régions nord sinistrées. Par ailleurs, le Premier ministre a inspecté le complexe de Vinalon 8 février, le complexe des engrais de Hongnam, le complexe mécanique de Lyonson et la fabrique d'électrodes de Hongnam. Il a pris des mesures concrètes pour la normalisation de la production du Vinalon, l'assurance suffisante des matériaux pour réparation des équipements et des articles de production complémentaires et l'amélioration de la qualité des électrodes.